L'escapade par Alexandre Couperine. Nielguine, Amirov, Yourev sont voisins de lit dans le dortoir d'un collège pour orphelins de père ou de mère. Chacun d'eux a entre 10 et 11 ans. Yourev est un garçon apathique sans volonté. Sa bonne grosse face grêlée le fait ressembler à certaines paysannes de la province de Tver et lui a valu en classe le sobriquet de bonne femme. Cécile Claire tombe sur des yeux d'un bleu vague. Sa bouche, pleine de salive, demeure toujours ouverte. Une goutte lui perle constamment au nez. Sentimental, il est peu fait pour la lutte, pleure souvent, redoute l'obscurité. Amirov est un albinos aux cheveux blancs, sur une grosse tête tirée en longueur du front au menton. Il a le blanc des yeux teinté de rouge, la peau du visage pâle, rugueuse. Les dimanches, son père vient le voir. C'est un petit vieux soigneusement rasé, avec lui aussi une grosse tête, des cheveux blancs et des yeux teintés de rouge. Il fait son apparition dans le superbe parloir. Le collège est installé dans un ancien palais du comte Razumovski, vêtu d'un uniforme propre de militaire en retraite, orné de deux belles rangées de boutons argentés, avec, dans ses mains, l'obligatoire foulard rouge rempli de pommes et de bonnes galettes de campagne sur lesquelles une main soigneuse a tracé au couteau un filet ornemental. Le fils Amirov est modeste, sans hypocrisie, obéissant sans flagornerie, travailleur sans excès de zèle. Tout ce qu'il fait porte l'empreinte imperceptible du bon goût, du savoir-faire, d'une patience quasi sénile. Il porte proprement l'uniforme. Pantalon de toile, blouse de toile bordée au col et aux manches de la bande rouge réglementaire. Ses affaires personnelles, canifs, plumes, gommes, plumiers, crayons, brillent toujours comme s'il venait seulement de les acheter. Il n'invente pas de nouvelles distractions, mais il est capable d'apporter dans n'importe quel jeu beaucoup de sérieux entrain, ainsi qu'un gentil sentiment d'ordre. Les jours de fête, quand la bibliothèque est ouverte aux élèves, Amirov choisit infailliblement le livre le plus amusant avec des aventures et de belles images, tandis que les autres s'ingénient à demander Homère, pour bâiller ensuite sur de longues périodes renfermées dans des hexamètres d'une longueur infinie, farci par surcroît de mots composés à 32 lettres chacun. Il bâille et l'envie, mais se refuse, par amour-propre juvénile, à avouer leur erreur. Amirov se rappelle sans difficulté ce qu'il a lu et le répète à ses camarades avec une précision non dénuée de sécheresse. Nielguine est un rêveur à l'imagination exubérante. Quand il était encore à la crèche et que, durant les heures qui précédaient le souper, les garçons plus ailés tressaient de petits tapis avec des bandes de papier multicolores, brodaient avec de la laine les perroquets sur du carton percé de petits trous, collaient des maisonnettes, barbouillaient l'ardoise de craie pour y tracer à l'aide du doigt mouillé des nuages et des nouilles. Nielguine racontait à ses auditeurs émerveillés des histoires étincelantes de fantaisie sur sa vie d'antan, sa vie de chez lui, et ses récits gonflaient son cœur de frayeur et d'enthousiasme. Peu lui importait que la petite ville de Narovtchat, théâtre invariable de ses aventures et qu'il avait quitté à l'âge de 3 ans, s'éleva, oubliée de Dieu et des hommes, dans une plaine poussiéreuse, aride, et qu'elle brûla régulièrement tous les ans. Peu lui importait que ses frères aînés, héros de ses contes fantastiques, fussent morts à l'âge de 2 ans, longtemps avant sa naissance, que son père fût un simple greffier de justice de paix, que les vastes propriétés de sa grand-mère se réduisissent à 3 hectares sujets à litige, qu'un cul-d'âme avait ensemencé sans attendre la sentence. Nielguine savait tout cela, mais tout cela était ennuyeux, bon pour les grandes personnes, sans réalité ni importance véritable. Nielguine n'y ajoutait pas foi, mais croyait fermement à ses propres rêveries, merveilleuses, captivantes comme un conte de fées. Il y croyait comme au jour et à la nuit, au pain blanc, aux pommes, à l'existence de ses mains, de ses pieds. Parmi les autres monstres en jupon, vieille fille jaune, osseuse, avec des bandeaux autour du cou, des oreilles ou des joues, parmi toutes les surveillantes dont on comptait une 20aine dans les classes des filles et des garçons, elle seule laissa Nielguine un bon souvenir pour toute la vie, quoiqu'elle ne fût pas non plus sans reproche. Quelquefois elle se montrait charmante, gentille, affable. D'autres fois elle sortait le matin dans sa chambre, toute pâle, la tête bandée d'un linge imbibé de vinaigre aromatique. Alors elle s'impatientait, s'irritait, criait, tapait de son petit poing sur la table, finissait par pleurer de rage. Elle avait parmi les enfants ses préférés et ses souffres-douleurs. À une époque où Niels Gehn n'était pas dans les faveurs de la surveillante, un de ses camarades va raconter à Olga Alexeïevna les merveilleux exploits de Michel. La bonne dame se rendit alors coupable d'une grande injustice. Elle manda le conteur, lui démontre avec force arguments cruels, mais logiques, toute l'invraisemblance de ses histoires, s'alluma peu à peu à sa propre colère, finit par l'appeler farceur et menteur. Le rire obséquieux des autres garçons l'excita encore davantage. Elle confectionna un haut bonnet pointu en papier blanc, sur lequel elle traça en grosses lettres avec un pinceau trempé dans de l'encre le mot « menteur ». Ordonna à Niels Gehn de porter 3 jours durant cette coiffure humiliante, sauf en classe, au réfectoire et au dortoir. Alors l'enfant se replia sur lui-même, mais son imagination l'emportait malgré lui. Il divisa une feuille de papier en petits carrés réguliers qu'il remplissait de dessins représentant la fameuse lutte des brigands contre les défenseurs de la justice. Son passage de la crèche dans une véritable classe apporta beaucoup de changements dans sa vie. Les dames n'étaient plus chargées que de surveiller les enfants. L'enseignement était donné par de vrais professeurs en lunettes et habits bleus à boutons dorés. Ce n'était plus comme auparavant des femmes de chambre qui rangeaient les dortoirs et conduisaient les élèves au bain, mais bien de domestiques moustachus. Mathieu et Grégoire, chargés également de fouetter les enfants quand la directrice du collège l'ordonnait. La directrice, princesse G, une femme de haute stature, corpulente, aux yeux gris, portait aux oreilles de grosses clochettes d'or, à l'intérieur desquelles se balançaient des pierres bleues. Lorsque ses pas pesants résonnaient de loin sur les dalles du corridor et qu'on entendait le tintement léger de ses clochettes, les petits garçons en frissonnaient. La vie intérieure des enfants avait aussi complètement changé. Ils se croyaient déjà tous de futurs cadets, considéraient comme un crime de porter plainte contre les camarades, appréciaient la force physique, la grossièreté envers les grandes personnes, le mépris de l'étude. Le talent improvisateur de Niels Gehn s'épanouit alors à nouveau. Mais ses équipés dans le royaume de la fantaisie ne le satisfaisaient plus. Il se sentait porté vers l'action. Il commença bien entendu par se créer un argot spécial, puis organisa une bande de hardis aventuriers qui figuraient, selon son plaisir, des cosaques, des sauvages, des justiciers. Seuls étaient admis dans la bande les gars assez résolus pour supporter sans broncher de 20 à 30 coups d'ortie sur les mains. Pendant leur promenade dans l'immense parc abandonné, ces braves gaillards, armés de bâtons et commandés par leur chef Niels Gehn, se jetaient dans les taillis de chèvrefeuilles, d'aubépines, de sureaux, distribuaient des coups à droite et à gauche, avec une si violente exaltation que leurs cheveux se dressaient sur leur tête. Ensuite, un récit qu'on lui avait fait ou un livre qu'il avait lu éveillèrent en lui le désir ardent de devenir riche. Il essaya d'émettre du papier-monnaie, fabriqua de gros cibiers de 1, 2, 3, 5, 10 roubles. On les employait volontiers pour jouer, mais personne ne consentait à donner ne fût-ce qu'une plume en échange de 100 roubles, et l'entreprise financière échoua lamentablement. Alors Niels Gehn se décida à faire de l'or. Il avait entendu dire que le moine Schwartz n'avait découvert la poudre qu'accidentellement après s'être brûlé le visage par une explosion de matière qu'il broyait dans un mortier. Niels Gehn ne pouvait-il pas arriver de la même façon à découvrir de l'or? Avec une conviction profonde et en se donnant des airs mystérieux, il mâchait pendant des heures entières des boules de papier abondamment humectées de salive, mêlées à cette pâte de la cendre empruntée aux tuyaux de poêle, de la chaux prise sur les murs, du sable provenant du crachoir, de la craie, toutes les saletés qui lui tombaient sous la main. Fuyant les regards indiscrets, il mettait cet amalgame sous presse. Sous la table de nuit, sous le tableau noir ou sous son banc d'écolier. 2 jours après, il retirait, le cœur palpitant, une masse desséchée, informe, murmurait d'un air de gravité sérieuse. « Ce n'est pas le mélange qu'il faut, il y manque quelque chose. » Du reste, ses expériences de l'alchimie durèrent à peine une quinzaine et cédèrent la place à une période d'amour. Le professeur de danse, Pierre Alexeïevitch, un petit vieux rond, vif, élastique, revêtu d'un frac impeccable, la face rayonnante de bonté, venait une fois par semaine au collège accompagné d'un violoniste morne, échevelé. Les garçons et les filles de la classe supérieure descendaient alors dans le grand parloir. dont le parquet brillant reflétait les lustres de bronze. La leçon de danse était pour les garçons et les filles l'unique occasion de se trouver ensemble, car ils étaient rigoureusement séparés les uns des autres, même à la chapelle et au réfectoire. Naturellement, les garçons considéraient les filles comme des êtres inférieurs, méprisables, faibles, pleurnichards, rapporteurs. Aussi tenait-on pour très chic de tirer sa dame par la natte, de lui pincer le bras, de lui écraser les doigts pendant qu'on dansait avec elle, ou qu'on exécutait le pas de basque ou le pas glissé, au son mélancolique du violon. Nielgin, qui ne craignait jamais d'offusquer l'opinion publique, eut le courage, une belle après-midi d'hiver, de s'éprendre de la petite Moukine, jolie brune, l'air un peu endormi, les yeux noirs, les pommettes légèrement saillantes, avec de mignons grains de beauté aux joues, au menton. Et non seulement il s'en éprit, mais l'annonça à toute la classe, menaçant de casser la figure à qui voudrait danser avec Mademoiselle Moukine ou se permettrait d'en parler d'une façon irrévérencieuse. Nielgin n'était pas précisément un athlète, mais il se complaisait à répandre le bruit mystérieux qu'il avait en lui une force cachée. Pour imposer cette conviction à ses camarades, il se savonnait le matin longuement les mains, les frottait vigoureusement de manière à faire entrer l'écume du savon dans la peau. Quand on lui demandait les raisons de cet exercice, il répondait d'un air sombre, en redressant les épaules, « C'est pour que les poings soient plus forts. » Un soir, Nielgin écrivit une longue épître, penché de près sur sa feuille de papier à lettres, soufflant du nez, appuyant la langue contre la joue. Il orna ensuite la feuille d'un calque, le mit dans une enveloppe rose, colla une belle image sur l'enveloppe. Dès la première leçon de danse, il glissa entre les mains de la petite Moukine sa missive, bizarre mélange de vers et de prose. La gamine fut moins surprise qu'on n'aurait pu le croire. Elle fit lestement disparaître la lettre dans son tablier et ne rougit même pas. Le lendemain, pendant la leçon de catéchisme, des pas pesants et le tintement des clochettes résonnèrent dans le corridor. Un pressentiment angoissé serra le cœur de Nielgin. Dans la porte entrebâillée apparurent une grosse figure grise au nez charnu et une main dont l'index esquissait un geste d'appel. « Nielgin, viens ici, mon ami !» On fit monter le pauvre amoureux au dortoir. Là, on l'étendit sur un lit, et tandis que Grégoire lui tenait les mains, Mathieu lui donna 25 bons coups de verge. C'est ainsi qu'on coupa court à son premier amour. Pourtant, l'image de la charmante brunette aux yeux endormis, aux lèvres boudeuses, se grava pour toujours dans sa mémoire. Il serait difficile d'énumérer toutes les passions de Nielgin. L'avant-dernière fut l'aéronautique. Un rêve qui se répétait assez souvent lui avait fourni les éléments de cet art. Dans ce rêve, il tenait à deux mains un large ruban, le faisait tourner autour de sa tête, sautait à travers, à peu près comme les petites filles sautent à la corde. Il lui semblait qu'en augmentant la vitesse de rotation, il devenait de plus en plus léger, s'enlevait de terre, se trouvait emporté en l'air jusqu'au plafond. Mais il avait déjà atteint l'âge où l'on désire impérieusement transformer le rêve en action, l'illusion en réalité. Et c'est ainsi que pendant une récréation, il se faufila, tel un indien de la tribu des Apaches ou des Pieds Noirs. Dans le camp prohibé des petites filles, il vola une corde à sauter, l'emporta dans la cour des garçons, grimpa haut d'une échelle de gymnastique, cria aux autres « Regardez, je m'envole !» Mais il s'empêtra aussitôt dans la corde, tomba honteusement en écrasant son nez et en contusionnant son genou droit, tel le mythique Dédale et les légendaires Apollonius de Tine et Simon le Mage. Pourtant, l'injuste destinée contre laquelle ce joyeux drille de Nielgin avait déjà commis main délit lui préparait un rude coup. La surveillante Olga Petrovna partit en vacances. C'était une petite femme sèche, froide, sévère mais juste. Les deux premières qualités la faisaient craindre des garçons. La troisième lui valait leur estime. Un dimanche, elle avait amené son fils, un petit lycéen des classes préparatoires, pour le faire jouer avec les autres enfants. Le lycéen était un peu vantard. Il fit valoir ses muscles, étala ses connaissances en gymnastique suédoise, sauta par-dessus la table, sans élan, prétendait-il, bien qu'il eût reculé de trois pas, provoquant enfin les amateurs à lutter avec lui. Le premier accepté fut naturellement Nielgin. Au bout de 5 minutes, les deux lutteurs étaient couverts de sang. Olga Petrovna, arrivée juste à temps pour contempler ce beau spectacle, mit dans sa justice égalitaire les deux coupables piquets, tandis que les autres enfants feignant des airs faussement vertueux, se délectait de chocolat fumant que la surveillante avait préparé pour faciliter le premier contact entre le jeune lycéen et les élèves du collège. Olga Petrovna fut provisoirement remplacée par Vera Ivanovna Teplukov. Nielgin la connaissait depuis la crèche. C'était une longue demoiselle montée sur des jambes courtes, à pâle figure chevaline. Elle portait toujours des robes courtes, sous lesquelles se voyaient d'énormes pieds chaussés de bottines en prunelles. Elle exhalait un parfum de poudre malodorante, arborait entre les sourcils une verrue qui rappelait, par sa couleur, une framboise bien mûre, et par sa forme, une corne rhinocéros. Il est permis de se demander comment la nature peut fabriquer des individus d'un physique et d'un caractère pareil. Le plus terrible en elle, c'était sa foi inébranlable dans l'infaillibilité et la justesse des anecdotes édifiantes contenues dans les livres de morale. Tout ce qui était imprimé était pour elle chose sacrée. Bien entendu, elle prit tout de suite en grippe Nielgin, dont le tempérament vagabond devait naturellement lui être antipathique. Elle lui voua une haine de vieille fille. Elle détestait ses mouvements, le son de sa voix, ses petites grimaces habituelles, la vivacité de son imagination, beaucoup d'autres choses encore qu'elle ne savait s'expliquer et qu'elle oublia par la suite comme elle oublia l'existence même de Nielgin. Quiconque n'a pas vécu dans un internat les jours dorés de son enfance ne saurait se représenter la quantité de bassesse, de vilains tours, de récriminations injustes, de calomnies, d'abus de pouvoir dont se rendent coupables certaines maussades surveillantes. Peu importait à Nielgin d'être privé tous les jours de déjeuner et de dîner, de toute façon il ne mangeait presque rien, peu lui importait encore d'être privé de parloir, personne ne venait le voir. Mais avec la patience et la perspicacité d'un inquisiteur, Vera Ivanovna avait trouvé le point le plus vulnérable. Elle le forçait à rester debout, immobile, pendant les récréations. Tandis que ses camarades s'amusaient au pas de géant, construisaient de superbes grottes avec de la terre et du sable, plantaient avec des branches d'arbres, des jardins, des vergers, Nielgin demeurait figé dans une rigide immobilité, patiemment, consciencieusement, comme désireux de faire enrager sa persécutrice. Les jeux de ses camarades ne l'intéressaient plus. Son attention était tout entière attirée par un immense pré, bordé d'un bois touffu, qui s'étendait non loin de lui. Plus tard, quand sur ses vieux jours il revit ces lieux, il s'aperçut que le pré ne mesurait que quelques mètres carrés, que le bois se réduisait à un buisson de chèvrefeuilles, de sureaux, de lilas. Mais à cette époque lointaine, c'était pour lui des prairies, des pampas, des forêts vierges. « Elle me fait des misères tout le temps. Je n'en puis plus, mais plus du tout. » disait Nielgin, assis de nuit au pied du lit d'Amirov, tandis que dans le lit voisin, Yourev s'était légèrement soulevé, appuyé sur un coude. « Elle me fait des misères et ma patience est à bout. Demain, je m'enfuis, et vous faites comme vous voudrez. Naturellement, si vous ne me suivez pas, ce sera dégoûtant, et je ne vous compte plus comme camarade. » Vous avez lu Les enfants du capitaine Grant? Un garçon de 15 ans y commande un trois-mâts. Nous n'avons, il est vrai, que 11 ans, mais qu'importe. Emportons du pain et du sel dans nos poches. Ensuite, nous irons de la maison où habitait grand-mère. Elle est morte, c'est vrai, mais il y a les propriétaires Serge Firsovitch et Aglaï Seminiovna. Ils me connaissent. Maman est à Penza. Ils ne se douteront de rien. C'est là que nous passerons la nuit, quoique, à vrai dire, il y a des poltrons et des rapporteurs parmi nous. C'était de sa part une manœuvre diplomatique. Bien qu'il ne vît rien dans l'obscurité, Nielgin devinait pourtant que Yourev ouvrait la bouche toute grande et Kamirov avait levé la tête pour mieux comprendre. « Eh bien, continua-t-il, eh bien, on nous torture ici, on nous opprime, on nous gronde à propos de bagatelles, on nous tient au piquet pendant des heures. Mieux vaut s'enfuir en Amérique. » « Pour aller en Amérique, il faut prendre le bateau, » fit doctoralement remarquer Kamirov. « Oui, le bateau. Pourtant, on pourrait encore essayer à la nage, c'est-à-dire, non, pas à la nage, mais dans un canot. Et surtout, il faudrait avoir des vivres et de l'argent. Nous, il ne disait plus moi, il disait nous, procédé cher à tous les agitateurs. Nous passons la nuit chez Serge Firsovitch. Il nous donnera un peu d'argent. Ensuite, nous prenons le chemin de fer et nous filons à Narovtchat. De Narovtchat, où tout le monde me connaît, nous gagnons la propriété de grand-mère. » Arrivée là, son imagination s'emballe comme d'habitude. Les paysans viennent à notre rencontre, nous offrent du lait, des galets de campagne, tout ce que nous voulons. Je leur vends 100 hectares de mes forêts, nous nous habillons comme de grandes personnes, nous prenons de nouveau le chemin de fer, et nous voilà partis pour l'Amérique. Du reste, je puis faire cela tout seul, sans vous. Vous ferez comme vous voudrez. Le plan est bon, dit Yurev. Amirov réfléchit et dit à voix basse, mais avec autorité. Vous avez beau dire, comment fuir si elle ne vous quitte pas des yeux. Ensuite, quelqu'un vous dénoncera sûrement. Enfin, nous ne savons pas comment on voyage en chemin de fer. Oh, le chemin de fer, ce n'est rien du tout. Je m'y connais. Demain, pendant la récréation, tandis qu'elle sera occupée avec ses chéris, nous nous cachons derrière les buissons, filons à travers le parc, traversons la Laouse à la nage. Le soir, nous sommes à la place de Kudrino. Et ensuite, tout ira comme sur des roulettes. Je vous en donne ma parole d'honneur. Il ne lui fut pas difficile de persuader les deux garçons. Yurev, qui suivait toujours le hardi, l'entrepreneur Nialguin, et Amirov, qui, par mots propres, ne voulait pas leur fausser compagnie. Notons encore une fois que Nialguin n'avait nullement l'intention de les tromper. Son âme de poète, son cœur d'aventurier, croyait fermement que tout allait se passer comme il l'avait projeté. Le lendemain, pendant la récréation, une petite complication se produisit. Vera Ivanovna racontait au garçon comment une oie rencontra en volant une compagnie d'autres oies. Elle était de fort mauvaise humeur. Sans doute souffrait-elle de l'estomac. L'histoire des oies intéressa beaucoup Nialguin. Il avança sa grande tête tondue, ne pensant plus à sa fuite, quoique le pain et le sel fussent déjà dans sa poche. En apercevant cette tête détestée, elle fit une moue de dégoût et dit « C'est étonnant comme tu sens toujours le moineau. » En été, lorsque le soleil brûle leurs cheveux, la tête des garçons sent toujours la plume roussie. Mais Nialguin prit la chose de travers, répliqua. « Et toi, imbécile, tu sens la souris. Et puis tu es vieille, et tu as la figure sale. » Tableau. Nialguin est immédiatement mis au piquet. Vera Ivanovna se saisit la tête et crie. « Non, je n'en puis plus. Enlevez-le, emmenez cet horrible enfant. Autrement, je ne réponds plus de moi. Mes enfants, ne prenez jamais exemple sur ces vilains garnements. » Nialguin, tu resteras au piquet toutes les fois que je serai de garde, et cela jusqu'à la fin de tes jours. » Nialguin demeurait immobile, regardait le soleil, clignait des yeux, se disait « On prétend que les aigles seuls peuvent fixer le soleil. Pourtant, je ne suis pas un aigle, et je le regarde, bien que cela me fasse pleurer. » Pourtant, dans un petit recoin de sa conscience, il pensait qu'Amirov et Yurev auraient dû l'aborder. De fait, à un moment donné, ils s'approchèrent de lui comme des conspirateurs. « Eh bien ?» demanda Nialguin d'un ton dégagé. « J'ai votre parole, on se sauve. » Ils eurent des airs embarrassés. « Oh, vous savez, ça m'est égal. Je me sauverai sans vous. Vous entendrez parler de moi dans la suite, quand je serai millionnaire. Naturellement, je vous trouverai des postes, disons, de généraux. Je vous prie seulement de ne pas faire les rapporteurs. Je ne vous connais pas comme vous ne me connaissez pas. » Mais les garçons cédaient déjà au charme de ce nouveau jeu. Yurev dit le premier, « Puisque nous avons donné notre parole, allons-y, hein ?» Amirov resta un peu confus. « Je ne sais pas. Papa devait venir dimanche. » Mais Nialguin était déjà maître de la situation. « Papa, papa, la belle affaire, ton papa !» Quand nous serons à Narovtchat, je lui enverrai toute une cargaison de dindons, de poulets, d'oies, une pelisse de zibeline, trois beaux chevaux, un coffre rempli de monnaie. Ensuite, nous emmènerons ton papa qui nous aidera à labourer la cordillère. » Entouré d'une foule de bons élèves, Vera Ivanovna se promenait de long en large selon la méthode péripatéticienne, laissant la charge de sa conscience tout ce que son ignorance et sa méchanceté elle leur disait pendant ce temps-là. À peine eut-elle rejoint les trois conspirateurs, dont l'un se tenait debout, les ridiots et louchant des yeux, tandis que l'autre arrachait, sentait les herbes, et que le troisième s'adonnait à des exercices de danse, à peine les eut-elle dépassés d'une démarche majestueuse, qu'ils se jetèrent tous les trois dans les buissons. C'était un coin inconnu, à végétation touffue, du bois gentil, des chèvrefeuilles, des sureaux, des orties, des bardanes, du thym sauvage, de la mauve. Une forte odeur de champignons s'en élevait. Tout d'abord, il fut très difficile de s'orienter. Nos garçons croyaient dévaler une pente boisée sans fin. Peu à peu, le taillis s'éclaircit. Un sentier apparut. Ils le suivirent, errèrent longtemps dans le bois. Une fois, ils entendirent des voix d'enfants. Nielgin en conclut qu'il se trouvait dans la partie du parc réservée aux filles. Il fallait par conséquent s'éloigner dans la direction opposée à celle d'où venaient les voix. Ils arrivèrent enfin dans un lieu inconnu où coulait une rivière rapide, noire, puante. L'âme bien élevée d'Amiro fut un tressaillement. Il dit « Ne vaudrait-il pas mieux remettre tout cela plus tard ? D'abord, papa vient me voir dimanche et puis j'ai oublié de copier ma calligraphie. » Quel caractère décidé que celui de Nielgin ! Dans l'eau, près du bord, pourrissaient quatre planches abandonnées, restent sans doute d'un lavoir ou d'un ponceau. Nielgin dit avec cette grandeur qui semble ridicule chez les enfants, mais demeure pour des siècles dans l'histoire quand il s'agit des grandes personnes. « Eh bien, Mirov, ce sera comme tu voudras. Yuref et moi, nous allons traverser la rivière, et en avant. Yuref, enlève les revers de ta tunique, tout de suite. » Yuref enleva les bandes de cotonnade rouge qui ornaient son col et ses manches. Nielgin fit de même. Amirov hésita une seconde, mais, finalement, la raison prit le dessus chez lui. « Au revoir. »« Dis donc, tu ne feras pas le rapporteur ?» demanda Nielgin, pour être plus sûr. « Parole d'honneur. » Amirov partit. Les gamins s'assirent sur le radeau improvisé, gagnèrent, en s'aidant de leurs mains, la rive opposée. Un esprit inconnu, mais en tout cas bienveillant, guida leurs mouvements. S'ils avaient culbuté, ils seraient infailliblement noyés, car les berges étaient escarpées, la rivière profonde, et ils ne savaient pas nager. Ils escaladèrent l'autre rive. Alors seulement ils eurent la brusque sensation que le passé était désormais chose finie. Des aboiements féroces, semblables à des roulements de tonnerre, se firent entendre. Deux énormes Saint-Bernards se précipitaient vers eux. Il faut vous dire que les deux enfants n'avaient encore vu des chiens qu'en image. Tandis que ces gueules ouvertes, ces langues rouges, ce souffle haletant, ces aboiements féroces, tout cela était maintenant de la réalité. Un vieux saule noueux, crevassé, penchait ses branches au-dessus de la rivière. Yuref y grimpa le premier avec l'agilité d'un singe. Nielgin l'y suivit. De leurs pieds mouillés, tous deux s'accrochèrent aux branches, s'immobilisèrent, tremblant de frayeur. Survint un individu sale, à figure noire, qui fit taire les chiens et demanda aux enfants « D'où venez-vous » Nielgin inventa toute une belle histoire. Il pensa un peu au petit chaperon rouge. « Nous allons à Kundrino, chez grand-mère, et puis nous nous sommes égarés. Pourriez-vous nous indiquer le chemin ?» L'homme noir se montra moins féroce que ses chiens. Sous sa direction, ils gagnèrent le bureau du directeur de l'usine sidérurgique d'Anhauser et compagnie. Un gros Allemand flegmatique, gorgé de bière, leur posa à peu près les mêmes questions que l'homme noir, mais avec beaucoup de nonchalance et d'indifférence. Cependant, les bas de leurs manches et de leur col, d'où pendaient les bouts de fil, faillirent le mettre sur la vraie piste. « Dites-moi, n'appartenez-vous pas à... comment dit-on déjà ? Ah oui, l'école Elisabeth. » L'institut était voisin de leur collège et, s'il avait dit Razumovski, les enfants se seraient rendus à la merci du vainqueur. Mais cette erreur fit tout de suite l'affaire de Nielgin. « Pour l'amour de Dieu, l'institut Elisabeth est une pension de jeune fille, et nous, nous demandons de nous indiquer notre chemin. » L'Allemand les laissa partir, non sans avoir dit à l'homme noir « Veille à ce qu'il ne chipe rien. » L'homme noir les conduisit jusqu'à la deuxième porte de la cour. Sous la lueur du crépuscule estival, des flaques d'eau s'irisaient de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, des boulons traînaient à terre, une odeur de chlore flottait en l'air. Les enfants ne savaient pas où ils se trouvaient. Si étrange que cela puisse paraître, quand ils demandaient aux passants la route qui conduisait au quartier de Kundrino, ils n'obtenaient que des réponses facétieuses ou franchement mensongères. Tourne à droite et encore une fois à droite. Là, tu verras une cheminée, au-dessus de la cheminée, un sabotier. Et au-dessus du savetier, un pâtissier. Ou bien encore, « Allez les gars, tout droit devant vous, sans tourner à droite ni à gauche. Où avez-vous laissé papa et maman ? Oh oh ! Des marmots comme vous se promenaient tout seuls. Comment vous appelez-vous ? » Mais Nielgin eut la juste intuition de ne pas se fier aux indications moqueuses qu'on lui donnait, de ne pas répondre aux questions. Le soir descendait déjà. Yuref commença à pleurnicher. Il se déclarait prêt à suivre Nielgin au bout du monde, mais regrettait d'avoir laissé au collège sa bourse avec 7 copecs et l'image sainte avec laquelle l'avait béni sa défunte mère, laquelle était en parfaite santé. Nielgin comprenait que s'il cédait, s'il montrait des hésitations, s'il se rendait, il perdrait à tout jamais son prestige, se couvrirait d'un ridicule immortel. À sa manière, il fut en ce moment sublime. « Écoute, dit-il à Youref, faisons semblant d'être des Italiens vagabonds. » Et lorsque quelques redoutables grandes personnes passaient auprès d'eux, ils murmurent avec animation « Malakala selam alam, lampalan alam kalam !» Les passants s'écartaient d'eux. Sans doute les prenaient-ils pour deux idiots échappés d'une maison de santé. Leur instinct de vagabond conduisait quelquefois de fuyards à des fontaines dont le jet d'eau tombait dans de larges bassins. Ils lapaient alors l'eau comme des chiens. Une fois, pendant que Nielgin apaisait sa soif, un grand chenapan de marchand ambulant enleva le panier qu'il portait sur sa tête, le déposa soigneusement par terre, et tout en gardant un air de parfaite indifférence, asséna un coup de poing bien calculé sur la nuque de l'enfant. Nielgin s'étrangla, reprit difficilement haleine. Il y eut encore un moment angoissant, ce fut quand ils se virent au centre de la ville et qu'en passant par une belle rue très fréquentée, ils demandèrent la route de Coudrino. Un homme bien élevé, compatissant et loyal, cette fois leur dit « Vous devez retourner en arrière, prendre la première rue à gauche, alors vous serez sur la bonne voie. » Mais les enfants étaient à tel point fatigués que le seul mot en arrière leur fit horreur. Ils préférèrent marcher tout droit, sans savoir où ils allaient. Aux 8 kilomètres qui séparent le quartier de Lefort où se trouvait leur collège de celui de Coudrino, nos fuyards, à force de détours, en ajoutèrent une bonne douzaine. Finalement, ils arrivèrent à Coudrino, trouvèrent en face de l'asile des veuves la maison et l'appartement que grand-mère avait habité 2 ans auparavant. Serge Firzovitch et sa femme furent quelque peu surpris en voyant arriver des visites à une heure aussi avancée. Cependant, en souvenir de l'excellente défunte et vaincue par l'éloquence de Nielgin, ils finirent par accorder l'hospitalité aux enfants. Cela leur était d'autant plus facile que la chambre habitée jadis par grand-mère et dont la fenêtre donnait sur un corridor, se trouvait par hasard inoccupée. Nielgin, qui n'en pouvait plus, et dont la tunique était toute déchirée, racontait des histoires à dormir debout. « Maman habite maintenant au parc Petrovski. Nous devions la rejoindre, mais nous avons perdu notre argent. Mon camarade et moi, nous nous sommes égarés, et nous avons peur de rentrer seuls de nuit. » On leur offrit du thé, des brioches. Youref aurait bien aimé manger et boire quelque chose, mais Nielgin était sur ses gardes. S'ils allaient deviner que nous n'avons rien mangé. « Je vous remercie, » fit-il, « nous venons de dîner. » Que des difficultés avec Youref, cet être sans volonté, toujours prêt à pleurnicher, qui ne méritait même pas le nom d'homme. On leur mit un oreiller et une couverture par terre. Youref tremblait de froid. Les deux vieux n'avaient pas d'enfants, mais possédaient par contre 6 ou 7 petits chiens noirs, aux poils courts, avec des taches rousses sous les yeux. Le matin, Serge Firzovitch lisait son journal. Le soir, il donnait aux chiens du foie bouilli, se promenait en pantoufles, marmottait des choses peu compréhensibles. Mais Nielgin savait fort bien que les chiens ne finissaient jamais leur foie. Aussi dit-il à Youref, « Sois tranquille, ne bouge pas, je trouverai tout de suite de quoi manger. » À tâtons, dans l'obscurité, il finit réellement par découvrir l'assiette au foie. Les chiens repus grognèrent un peu, mais après l'avoir flairé, se turent. Nielgin apporta l'assiette à Youref. Il resta à peu près 1/2 livre de foie, mais cela leur suffit, et aussitôt, tous deux s'endormirent du sommeil des bienheureux. Le matin se leva. Les enfants se réveillèrent, rafraîchis par le sommeil. Nielgin avait conservé son esprit entreprenant. Chez Youref, au contraire, la flamme de la veille s'était éteinte. Comme une vraie bonne femme, il demanda, la bouche torse, le nez palpitant. « Et maintenant, qu'allons-nous faire ?» À cette question, Nielgin n'aurait pu répondre franchement, puisqu'à vrai dire, il ignorait tout de l'avenir. Pourtant, il se rappela n'avoir pas entendu le froufrou du journal déplié par Serge Firzovitch, mais il savait que le facteur avait déjà glissé la feuille sous la porte. Il savait aussi que les journaux publient dans les faits divers tout ce qui regarde les petits garçons échappés. Il fallait donc par conséquent s'en aller avant que Serge Firzovitch ait eu le temps de déplier sa feuille froufroutante. Cher et brave Serge Firzovitch, que la terre te soit légère. Tu te doutais bien de quelque chose, mais tu ne voulais pas troubler, par des questions importunes, la tranquillité des fuyards. Tu leur proposas du thé. Ils répondirent, « Non merci, nous sommes très pressés. Voyez quel genre d'affaires. » Et tu les laisses partir en paix. Jusqu'à présent, presque tous les projets de Nielgin avaient réussi. Il ne restait qu'à prendre le train pour la merveilleuse ville de Narovtchat, aux bons paysans si dévoués. Nous savons tous que la volonté humaine accomplit parfois des miracles. Cependant, il faut aussi un peu de savoir, de l'assurance, une grande taille, une voix sonore, des moustaches, et bien d'autres choses encore, peut-être superflues d'ailleurs. Quand ils furent dans la rue, Yurev se mit à pleurnicher. « Je rentre chez nous, au collège. »« C'est ignoble, » dit Nielgin, bien qu'au fond de l'âme, il sut déjà qu'il finirait par se rendre. « Tu n'es pas un bon copain, et avec ça, j'ai ta parole d'honneur. »« J'ai peur. »« C'est bien, » dit Nielgin. « Pourtant, il faudra d'abord aller au jardin zoologique. »« Oui, mais nous n'avons pas d'argent. » « Ça ne fait rien, suis-moi, je m'y connais. » Ses connaissances n'étaient pas très fameuses. Tout d'abord, on devait encore faire 300 pas. Ensuite, il y avait un poste de pompiers à droite, l'église de l'intercession à gauche, puis venaient des étangs à gauche et le jardin zoologique à droite. Entre les deux, il y avait un pont. Il fallait tout d'abord traverser le pont, enjamber ensuite une barrière, avoir le courage de sauter dans un marais qui vous engloutissait jusqu'à la taille. De cette manière, on évitait le contrôle. Nielgin l'avait entendu dire à d'autres gosses, mais c'était la première fois qu'il faisait le saut. Aussi s'embourba-t-il comme un diable. Yurev, qui avait peur de rester tout seul, fut bien forcé de le suivre. D'un air de fière indépendance, sales, avec sur leur tunique les traces des bandes rouges arrachées, ils firent visite au cacatoès, à l'autruche, à laquelle Nielgin fit dévorer un gros caillou et une clé de montre ramassée dans une allée. Ils allèrent voir les éléphants, les tigres, les oiseaux, les putois, les renards, l'hippopotame, dont la gueule ouverte, pareille à une balise doublée de roses, sortait d'une mare fangeuse. Ils taquinèrent les singes, passèrent leurs doigts sur les épines du porc-épic. Reste à savoir pourquoi personne ne les arrêta. Décidément, la volonté humaine obéit à des lois encore peu connues. Il fallait rentrer. Yurev avait cessé de pleurer, mais il agaçait tout le temps Nielgin. Dis que c'est toi qui as tout inventé et que moi je n'y suis pour rien. Eh bien. Le voyage prit cette fois moins de temps. Ils étaient guidés par la mémoire instinctive, presque animale, des lieux qu'ils avaient traversés. En outre, il faisait jour. Vers les 3 heures, ils arrivèrent à l'école. Il y avait du monde devant le portail, des concierges, des blanchisseuses, des frotteurs, des cuisinières. Chose étrange, personne ne fit attention aux gamins, qui ne surent pas tout d'abord quelle main justicière déciderait de leur sort. Pourtant, on finit par s'emparer d'eux. Ils furent conduits à l'infirmerie, colloqués dans 2 chambres séparées, avec défense absolue de se voir. Nielgin tint parole, il prit tout à sa charge. La solitude leur pesait. Ils ne pouvaient ni lire ni converser, et par surcroît, Yurev prouva qu'il était un parfait imbécile. Nielgin imagina de communiquer avec lui par le moyen de coups frappés contre le mur, mais ce petit vieux, ce futur poltron de Yurev, se refusa à répondre. Ne sachant que faire, Nielgin se rappela presque tous ses problèmes d'arithmétique, qu'il résolut aussitôt, répétant ensuite les déclinaisons et les conjugaisons. Enfin, un beau jour, vers midi, les pas pesants de la directrice et le tintement des clochettes retentirent dans le corridor. Peu importe qu'il me donne les verges, pensa-t-il, mais si je venais à mourir subitement, après ils me regretteraient tous. Bref, les pensées qui traversent les têtes de tous les gamins en semblable occurrence. Il ne savait pas que la princesse G venait de céder son poste d'honneur à la princesse L. C'est ainsi que dans sa chambrette pénétrèrent non seulement l'ancienne supérieure, mais aussi la nouvelle directrice et avec elle, 5 ou 6 dames du monde, rieuses, enjouées et presque toutes les vilaines surveillantes. « Regardez, s'il vous plaît, » dit la princesse G, « voilà le sujet. Naturellement, il aurait fallu l'envoyer dans une maison de correction. Regardez-moi cette figure. Voilà ce qu'il faut combattre, chère princesse. On nous envoie Dieu sait quels enfants. » Mais une forte dame, dont le visage avait une expression charmante de bonté, de cordialité simple, répondit très poliment. « Nous verrons. Il a le front large, les yeux intelligents, et à ce qu'il paraît une volonté obstinée. Il y a beaucoup de chances qu'ils se perdent, mais peut-être. Vous voyez les choses en rose? Non, mais je ne voudrais pas commencer par un châtiment cruel. Alors, princesse, vous croyez pouvoir l'admettre aux examens? Naturellement, je partage à l'avance votre avis, princesse. Si pourtant vous permettiez une petite expérience, oh certes, je vous en prie, merci, vous êtes fort aimable. Elles partirent toutes, observant l'ordre dans lequel elles étaient venues. Comme elle parlait français, Niels Gehn n'avait rien compris à ce qu'elle disait. Pourtant, il tâcha de transposer leur dialogue en son langage. Il lui sembla que l'ancienne directrice avait dit « Ne faut-il pas donner les berges à ce gamin ?» et que l'autre avait répondu « mais non, il est si petit. » Ensuite, comme cela arrive dans tous les contes, advint le miracle. À peine les nombreuses voix de femmes s'étaient-elles éloignées, que Niels Gehn entendit soudain un pas léger. Il était étonnant qu'une aussi grande et aussi forte dame pût avoir une aussi souple démarche. Il entendit ces deux mots jetés à quelqu'un à l'autre au bout du corridor. « Pardon, princesse !» Elle entra dans la triste chambrette, saisit à deux mains, souleva la tête ébouriffée du gamin, le regarda longuement au fond des yeux, comme si elle avait voulu lire la vie future de Niels Gehn. Puis, caressant du front à la nuque le poil revêche de l'enfant, elle dit « Ne crains rien, petit. Je t'enverrai tout de suite un bouillon de poulet et du vin de Bordeaux. On voit que tu n'as rien mangé depuis longtemps. Tu es si pâle. Seulement, il ne faut rien dire à personne. Et je suis tout à fait sûr que tu passeras très bien tes examens. » Déjà prête à partir, elle s'arrêta tout à coup. « Est-il vrai que tu étais seul à imaginer cette escapade et entraîner ton camarade ?»« C'est vrai, » répondit fermement le petit garçon, et il ajouta avec mépris. « Oh, lui, c'est une bonne femme. » Le charmant visage de la princesse s'éclaira d'un sourire charmant. « Ah bah, mais tu es un petit héros, » dit-elle avec bonté en caressant la joue hâlée, pleine d'égratignures de Niels Gehn. « Eh bien, vis à ta guise, mais ne fais jamais rien de malhonnête. » Elle se pencha vers lui. Un moment, les yeux fermés, Niels Gehn respira un parfum suave, sentit de douces lèvres effleurer son front. Puis le froufrou d'une robe qui s'éloignait agita légèrement l'air autour de lui. Il ouvrit les yeux. Il n'y avait plus personne dans la chambre. Dans le corridor, un bruit de pas léger allait s'éloignant. Niels Gehn se serra fortement la poitrine des deux mains, murmura avec exaltation, les larmes aux yeux. « Pour toi, je ferai tout. » C'était la première fois qu'une main étrangère le caressait. Ainsi s'achève l'escapade par Alexandre Couperine.